L'amour est trop puissant pour que le temps puisse l'effacer. Même après t'avoir laissé, les souvenirs demeurent toujours vivants pour le faire renaître de ses cendres. On pousse des cris de soupir, des mea culpa, afin de recommencer plus ferme qu'avant. Et dans un dernier élan, on envoie ce message de « Reviens, mon cœur a besoin de toi ». Reviens, tu m'as laissé dans la noirceur après avoir été ma lumière. Éternelle beauté, je ne suis qu'un rêveur. Je ne peux me passer de ta douceur. Vivre sans toi, c'est une désolation. Tu es ma seule consolation. L'imagination, la proie de tes caresses, sans elle, ma vie est sans allégresse. Entends-tu mes plaintes? Aie pitié! Je t'aime du fond de mon cœur déchiré. Néanmoins, c'est une longue souffrance. Mon cœur faible ne peut endurer cette pénitence. La souffrance, c'est ma vie sans toi. Reviens! Reviens! Reviens, j'ai besoin de toi !»